Bonjour et bienvenue dans la séquence 6 du cours sur l'économie du web. Avec cette séquence, nous inaugurons une nouvelle partie du cours, plutôt dédiée à des études et des discussions sur les réalités du terrain. Dès maintenant, trois billets rédigés par des étudiants sont soumis à la discussion et à votre regard critique. Plus vous amènerez des éléments, plus riche sera notre connaissance sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à commenter ces billets. Mais il nous faut aussi tirer les leçons de la partie sur les notions, celle qui vient de se terminer. Je vous ai proposé ci-dessous un très bref résumé pour que vous la gardiez en mémoire, et j'aurai aussi, bien sûr, beaucoup d'intérêt à lire vos synthèses. Enfin, il nous faut déjà songer à la préparation des webinaires qui clôturent le cours. Mon collègue Benoît Eupron vous explique dans ce billet comment il vous propose d'y participer. Donc, plus que jamais, nous comptons sur vous pour enrichir ce cours. Au plaisir de vous lire.